dile que tú eres mía. Énergie, salut tout le monde, bonjour, bonjour, bon réveil, on est vendredi, ça y est, le week-end est de retour ce soir, hein. C'est cool. Là, on se fait que le UKPO dans le playlist Énergie, il y aura Offenbach juste derrière, Vita, Kaiser Panda, Jonas Blue, la playlist Énergie à fond ce matin, et puis le meilleur de Mickaël, 23h, 3h chaque nuit sur Énergie pour vous, et là c'est le best-of de l'émission, le meilleur de Mickaël sur Énergie. Priscilla, bonsoir, comment vas-tu? Allô, bonsoir. Tu bonsoir, vas bien? Ça va. Très oui. Bien, très bien. Bon, Priscilla, on va jouer aux deux secondes, je te reprends. Oui. Non, j'ai la gueule d'Avilec en train de bouffer ça. Pas du tout. Tu manges quoi d'ailleurs? Je mange du camembert grillé au sésame. Oh mais quelle horreur. C'est trop putain, bon. C'est bon ça. C'est de la bombe. Il me reste un peu top si tu veux. Non, c'est un peu violent. Ah bah même importe-le hein, pour moi. Hein. Non, c'est vrai que c'est bon. Oh la vache. Bon alors Priscilla, on va jouer au jeu du 2 secondes je te reprends, ok? Oui. Le principe est simple, tu vas choisir quelqu'un dans l'équipe que tu vas devoir affronter. Toff, Polo, Amina ou moi? Polo. Polo, très bien. Bon, Priscilla, à ton tour, donc, oui. tu décides si tu commences ou si Polo démarre. Je vais commencer. C'est Polo qui commence. Oui, Polo démarre, très bien. Priscilla, le principe du jeu, vous allez appeler chacun à votre tour quelqu'un. Il va falloir, dès que la personne décroche, tu peux évidemment lui parler, lui dire un truc. Et puis, dès qu'elle te répond, tu dis « Attends deux secondes, je te reprends ». Et puis, en fait, tu dois relancer une phrase et directement te couper. Bon, bref, toutes les phrases, je veux dire, attends deux secondes, je te reprends. Attends deux secondes, je te reprends. C'est important, c'est attends deux secondes, je te reprends. Ok? Il n'y a pas de je vais vous reprendre, bougez pas, je reviens, attends deux secondes. Je t'encule, bon, bref. Non, c'est non, attends évidemment. Deux secondes, je te reprends. T'as compris, Priscilla? Oui, oui. Bon, excuse-moi de te prendre parfois pour une débile, mais il y a des gens, on leur explique et puis. Mais je connais pas du tout le jeu. Mais justement, bah, donc j'ai bien fait d'expliquer. Oh là. Bon, Priscilla, je te mets de côté, c'est Polo qui démarre. Yes. On y va. Allez hop. Putain, pour une fois j'envie Polo quoi. Pourquoi? Bah, je sais pas, je sens la victoire. Ça veut rien dire, je peux me faire raccrocher la gueule là direct. Exactement. C'est de la délation. Allô? Attends deux secondes, je te reprends. Eh bonsoir. Bon c'est nul. Non, ça va. Ah bah ça décroche pas, ça s'est arrangé. Bonjour. Eh bah parfait. Bonjour, vous êtes bien sur le. Bon, allez hop, on appelle un autre. Bon alors, ah voilà. On appelle au Canada. Oui, allô? Oui, bonsoir, j'appelle de la France. Ah, attends deux secondes, je te reprends. J'ai un petit problème technique là, mais. Oui, je voulais. Ah, merde, ça marche pas. Attends deux secondes, je te reprends, hein. Attends. Oui, allô? Ah, attends deux secondes, je te reprends. Tiens, problème technique, c'est réseau là. Allô? Allô? Allô, attends. Il est parti, il est parti. Eh ben, ça nous en fait 19 des secondes. Et tu vois, il avait un boulevard. Ouais, en fait, tu t'es trop précipité, je pense. Vous pouvez le permettre. Non, hein. je pense. Priscilla, on se croirait sur l'équipe TV, tu sais, après les matchs. Oui, ouais, c'est ça. Il n'a pas été assez, tu vois. Là par exemple, mais non, mais il aurait c'est dû du se hasard. C'est un gardien, il aurait dû se détendre. Tu tombes sur un mec, tu peux rester pendant 20 minutes et puis ça tu tombes dépend, sur. Voilà. Bon, Priscilla, 19 secondes, score à battre. À toi de jouer, Priscilla. On y va. T'as bien compris le principe, Priscilla? Oui. C'est pas gagné. Non, rien compris. Attends 2 secondes, je te reprends. Voilà. Parfait. Tu devrais le faire encore plus lentement. Bonne chance. Oui, allô? Allô? Attends 2 secondes, je te reprends. Ben voilà. Oh merde, je t'avais dit. Et ben voilà, ça nous a fait 6 secondes, Priscilla. C'est parfait. Bravo. Bravo Apollo. Ouais, bravo Apollo. Ouais, bof. Non, c'est pas une belle victoire. Mais à cette décharge, elle a eu la poisse là quand même, Priscilla. Bon, oui, c'est vrai. Ouais. Priscilla, malheureusement, c'est perdu. Je suis désolé. Merci. Non, bah écoute, je t'en prie, écoute avec plaisir. C'est pas grave, tu retournes ta chance quand tu veux, Priscilla, d'accord? D'accord, merci, au revoir. Bon, salut Priscilla. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Il y a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Donne-moi ta main, gamin, et t'en prends la scène et nous ferons une ronde, une échelle. Donne-moi ta main. Sont heureuses, parfois elles sont si seules. Quand elles sont baladeuses, tu les prends dans la gueule. Elles sont nues bien souvent, y'a des gens qui la gantent. On les met à couper, y'a des gens qui les demandent. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la scène et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main. J'étais perdu, tu sais, comme toi, dans la peine. J'ai attendu que l'on prenne la mienne d'une main tendue. Tu sais, on peut faire des chaînes. Et aujourd'hui, c'est moi qui prends la tienne. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne. Et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main, gamin, et nous tournerons en rond, elle est ma peine. Donne-moi ta main, gamin, et donne-moi ta main, gamin, et nous tournerons en rond, elle est ma peine. Énergie, vendredi 7 décembre. C'est Cédric, j'espère que toi bien pour vous ce matin. Bon réveil tout le monde, vous êtes sur Énergie. On va écouter Offenbach dans la playlist Énergie. On va suivre Vita avec Slimane. Puis là, c'est le meilleur du Rico Show sur Énergie, c'est dès 20h. 20h, 23h, le Rico Show sur Énergie. Il faut un spécial d'ailleurs sur Énergie pour le nouvel an. Ce sera de 20h jusqu'à 6h du mat le 31 décembre. Voilà, ça va être cool. En attendant, pour vous ce matin, pour ce vendredi, voici le meilleur de l'émission sur Énergie. Le podcast du Rico Show, 20h, 23h. Sur Énergie. David,

Énergie, salut tout le monde. Bonjour, j'espère que ça va vous tous. On est vendredi, on est le 7 décembre. On va écouter Kaiser Panda dans un PC Énergie. Jonas Blue aussi, c'est le tout dernier avec Liam Payne. Voilà, très très bon hit. On se fait ça pour vous ce matin. Puis là, le meilleur de Koé sur Énergie. Vous offre jusqu'à 10 000 euros dans le Cash Cash Énergie. Ce sera 17h30 tout à l'heure. Vous envoyez Koé au 7-10-12 pour jouer avec nous. Voici le meilleur de l'émission. C'était avant-hier, ça, sur Énergie. Écoutez. 17h-20h. C'est Koé sur Énergie. Prochain clip, tu veux le tourner où? Parce que t'as tourné le premier, on a dit à Lyon. Ouais. Ensuite, t'as fait quoi? Ensuite, on a fait ça va. On était à Montpellier. Ensuite, on a fait Dis-le-moi. On a été à Fréjus. Et ensuite, ouais. on a été en Bretagne pour faire riche. Quel endroit de Bretagne? C'était où de nouveau? Moi, j'ai peine marche. Ouais, c'est exactement ça. Peine marche, t'as vu? En fait, on a vu plein d'endroits, mais tous les plus beaux que les autres, quoi. Eh bien, je te propose de choisir ensemble, tous ensemble, ce soir, la nouvelle ville où tu pourrais tourner ton prochain clip. Ok. J'ai peur. Il faut choisir la ville, il faut qu'elle soit glamour. Oui. Okay. Et après, il faut que les gens soient sympas. C'est un ensemble de trucs. Bien sûr. Alors, j'ai du Vesoul. Super. On appelle José à Vesoul. Ça, tu pourras me dire notre ville, j'attaquerai une autre ville après. D'accord? Ok. On parle aux gens, on va voir s'ils sont sympas. S'ils te connaissent, peut-être qu'ils ont envie de t'accueillir à la maison. Allô? Oui, c'est José? Oui. Bonsoir José, je m'appelle Koé, nous sommes sur Énergie. Oui. Je suis avec Claudio Capéo. Bonsoir José. Oui, c'est vous qui avez fait ça. Connaissez-vous Claudio Capéo, José? Ah non. Ah non. Ouais. Bon. Ça part mal. Vous connaissez pas le monsieur qui chantait Si je m'endors, me réveillerez-vous? Oh non, je sais pas le nom, je me rappelle pas. Ah, vous rappelez pas. Vous êtes quelle origine, monsieur? Portugais. Portugais, voilà. Portugais. On vous fait un gros bisou, on vous embrasse. Allez, à bientôt. Il est sympa, mais ce sera pas Vesoul. J'ai du Roquefort, la Bédoule. Ah, c'est bien, c'est beau. J'ai de la Ginette ou de la Simone? Tu préfères quoi? Ginette et Simone. Ah non. Monsieur est gourmand. Ah là, tu sais quoi, tu vas leur parler. Tu leur dis, je vais venir tourner mon clip chez vous. Est-ce que vous êtes sympa? Oh là là. On parle les deux en même temps, c'était une vanne. Hein. Allô Ginette? Oui. Bonsoir Ginette. Bonsoir. Je suis Koé à l'appareil, nous sommes sur Énergie. Comment allez-vous? Ça va bien. Je vous passe Claudio Capéo, le chanteur français à succès. Je vous le passe. Bonjour madame, vous allez bien? Ben oui. Super. Bah alors, j'ai un petit truc, j'ai une petite question à vous poser. En fait, on aimerait bien tourner mon prochain clip et on aimerait bien venir chez vous. Alors, Roquefort, la Bédoule. Ah, c'est pas possible. Ah, mais pas chez vous dans votre maison, mais dans votre ville. Madame, elle a cru que c'était dans son salon. Ah non, pas chez vous. Gilet jaune. Ah, c'est pas possible. D'accord. Bon, merci quand même. Est-ce que vous aimez Claudio Capéo? Je ne le connais pas. Oh, si, madame, vous le connaissez. Écoutez. Zou. Non, c'est pas ça. Vous connaissez ça? Un petit peu. Le petit jeune avec son accordéon, sympa comme tout. Voilà, est-ce que s'il tourne à Roquefort... Je voudrais savoir qui vous êtes exactement. Alors, je vous le dis, madame. Alors, je m'appelle Koé. Et on est sur... Vous avez eu mon numéro? Ah bah alors, il y a un truc fou, ça s'appelle l'annuaire. Ça vient de sortir. C'est nouveau, Internet, tout ça. Sur moi, bien. Et on est tombé sur vous. Mais au hasard, je vous jure que c'est oui, Ginette. Oui, au hasard. Alors, Ginette, donc, je m'appelle Koé, on est sur Énergie. Vous savez mon prénom. Merci. Bah oui, parce que c'était écrit avec votre numéro. C'est encore un truc fou, ça. Mais... Ginette, donc on est sur Énergie. Vous connaissez Énergie? La radio. Énergie. Jamais entendu parler? Non, je suis trop vieille. Eh ben voyons, on a encore. C'est là où on a encore du chemin. Comme le stagiaire. Vous savez quoi, Ginette? Il faut nous écouter le soir. On a encore un public à aller chercher. De 17h à 20h. Vous me laissez tranquille. Ben, je vous promets, si vous m'écoutez, je vous laisse tranquille. Alors, je vous donne 2 secondes. Pourquoi? Hein? Voilà. Eh, t'écoutes, c'est en fait. Salut. Tous les jours sur Énergie, écoutez-nous de 17h à 20h. Non, je regarde la télé. C'est vous! Eh ben, je vous embrasse alors. Au revoir, Ginette. C'est Koé. C'est à 17h. C'est sur Énergie. Et en podcast sur énergie.fr. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga. Así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués. Conmigo mujer y si no pues tú no ven. Esta noche yo voy a hacerme con el balcón. De noche me floco como Yandel. Dame Oh, Polaroid. You signed your name upon it. I put it in my wallet, hoping I see your face again. Bonne nuit sans pub là ici sur Énergie. C'est Cédric, on profite tous ensemble avec Ava Max dans la playlist Énergie. On va aussi écouter Amir, Big Free, Oli et Jane. Ça arrive pour vous ce matin, puis là c'est le meilleur de Mickaël. 23h, 3h toutes les nuits sur Énergie. Et écoutez ce qui se passe la nuit sur Énergie chez Mickaël. Bon, Tom de Biarritz, comment ça va? Bien, et vous? Bah, c'est quoi cette voix là encore? Un peu fluet, toi. Qu'est-ce que c'est cette voix? Pardon? Toi t'as quel âge? 12 ans. Oh là là. Tu fais un peu de surf? Ouais. Tu parles. Tes parents sont au courant que t'es debout à cette heure-ci? Non. Oui, mais il faut juste pas que je fasse trop de bruit. Ah ouais, enfin, ouais, en gros, pour pas les réveiller parce qu'ils sont pas au courant, quoi. Putain, je te jure. Qu'est-ce que tu veux, Tom? Je veux être doux. Ah, tu veux être adou officiel? Bon, je rappelle que les doux sont les auditeurs d'énergie qui ont moins de 14 ans et pas encore muets. Bon, allez hop, on va t'adouber alors. C'est Polo qui gère ça. On y va. C'est parti. Comment t'appelles-tu? Tom. Tom, tu as décidé en ton âme et conscience de devenir doux officiel? Oui. Tom, personne ne t'a forcé? Non. Donc tu vas aller voir tes parents et tu vas leur mettre une baffe. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, ça. Je rigole, Tom, reste là. Tom, moi, Apollo, grand maître de la confrérie des doux et général en chef de l'armée des doux, j'ai ça décidé. Dit, il pourrait devenir doux platinium si il rentre et fait. Ouais! Il ferme la porte, il s'en va. J'ai décidé d'accéder à ta demande. Tom, mets-toi à genoux. Fais ton sac et fugue. Non! Oh, bah, bravo, Mina, bravo. Oh là là. Tom, c'est bon? Oui. Tom, tape-toi sur la tête légèrement avec ton téléphone. Léger, hein. Pouf, souple. Stop. Tom. Oui. Insulte-toi. Respecte ta personne, l'humanité du genre humain. Je suis bête. Oui. Je suis moche. Ouais. Tof est une insulte, hein. Tu peux l'utiliser. Tof. Parfait. Tom, bravo, tu es tout officiel. Félicitations, bienvenue dans la grande armée des doux. Tu seras le doux surfeur. Biarritz. Bon, évidemment. C'est pas une belle ville, mais bon. Et ben voilà, le doux surfeur, bienvenue dans la communauté. Je rappelle qu'en tant que doux, ouais, tu as un accès évidemment direct au standard, hein, 01 40 71 5000 si tu veux passer en live. Et puis, bah, oublie pas, si t'as des réseaux sociaux, d'annoncer à tout le monde que tu es dorénavant le doux surfeur, que tu fais donc partie de la communauté, que ce soit inscrit dans le grimoire, Tom. Mais évidemment. Rien, et dans le standard également, voilà. Bon, Tom, sois le bienvenu, tu reviens évidemment quand tu veux. D'accord, merci. Salut, Tom, à bientôt. Bientôt. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Things gonna be alright. Things gonna be just fine. Things gonna be alright. If love is around, things gonna be alright. Things gonna be just fine. Things gonna be alright. If love is around. I keep my tears tight in my fist. For your city runs into my dreams. Darling, I look about the sun. Of another dawn, I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be. Stir it up, tonight we won't give up.

problèmes. Je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines, pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne. Je veux partager tes joies et tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Mon évidence, t'es mon sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Énergie, salut tout le monde, j'espère que ça va, c'est Cédric, on est vendredi, on va écouter David Guetta avec Bibi Rexha dans un playlist Énergie, puis avant de le retrouver à 17h cet après-midi, oui, pour bien terminer la semaine, pour bien attaquer le week-end, aussi le meilleur de Koé sur Énergie. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Voici le top 5 des disputes qui vous attendent pour Noël en famille. Dans un instant, il y aura 10 000 euros, ça c'est bien pour vous. Vous êtes prêts? Alors, généralement, les fêtes de Noël, qui dit fête de Noël, dit fête de famille, veut dire petites engueulades. Alors, déjà, je vous fais 50% de l'engueulade, l'achat des cadeaux, les décorations, le repas qui va pas, la tenue du réveillon qui est pas de la bonne couleur. Là, vous avez déjà un best-of de ce qui peut arriver. Ouais. Mais c'est pas tout. Le fameux « on passe Noël chez ma mère le 24 », chez mon père le 25, entre nous le 26 et chez tes parents le week-end suivant, ok? Ça c'est les familles recomposées. Ouais. Ouais. Et ça c'est n'importe quoi. Jeff, tu vis la même chose. Exactement. Parce que tu essaies de faire un truc et tu te rends compte que tu décales, tu l'as pas le 24, tu l'as. Oui, mais pourquoi je l'ai pas le 24? Mais tu l'as l'année dernière le 24, tu l'auras le 25. C'est l'organisation, c'est tout. Oui, c'est une organisation qu'il faut quand même toujours le bordel. Attention, on attaque le sujet sensible. Certains ouvrent les cadeaux le 24 et d'autres oui, le 25. Oui. Et là, vous n'êtes pas d'accord. Alors, je peux déjà vous faire le déroulé de la soirée. Les gamins qui pensaient les ouvrir 24 commencent à râler. Du coup, les parents disent "Ah, pour une fois, on peut les ouvrir ce soir." Là, le beau-frère, il en fraye. Bah, oh, pas du tout, ça fait 15 ans qu'on les ouvre le 25 au matin. On va pas se faire chier pour tes mômes, les mal élevés. Quoi, mes mômes, c'était mal élevé? Une heure après, c'est les Champs-Élysées, les gilets jaunes dans le salon de la belle-mère. Et c'est n'importe quoi. Le fameux qui dit fête de fin d'année dit. Alcool et tonton bourré, bien sûr. En général, celui ou celle que vous pouvez pas blairer va faire à un moment donné une réflexion sur vos enfants. Ouais. Et là, ça part dans tous les sens. Je sais plus les gilets jaunes. Hein. Ça, je vous fais Verdun dans le salon. Je vous fais le dernier. Alors, le dernier motif, il est fantastique. Le dernier motif d'engueulade, écoutez bien. Le départ. Vous le voyez, le départ? Oui. Oh, je vous la fais courte. Il est 2h du matin. T'as picolé, ta femme aussi. Tu te demandes qui va faire Sam, t'as un enfant endormi dans les bras, t'as chaud parce que le beau-père te tient la jambe pour te raconter la 420e fois une anecdote pourrie dont tu n'as absolument rien à foutre. Ouais. Donc tu transpires et tu t'emmerdes comme un rat mort et là ta femme te dit c'est toi qui as les clés de bagnole. Évidemment que non, puisque c'est elle qui a les clés de bagnole. Bref, ça part en embrouille, t'en as plein le cul, t'as chaud, tu veux buter tout le monde et surtout ce con de beau-père qui arrête pas de l'ouvrir. Ta femme te harcèle avec son mais je te dis que c'est toi qui as les clés, elles sont pas dans mon sac. Tu penses au suicide? Non, mieux, tu penses au suicide collectif, toute la famille, y compris ce putain de beau-père. Bref, tu veux te casser de cette soirée de Noël pourrie, t'arrives à partir, tu dis à ta femme qu'elle te saoule, que t'as pas les clés, que de toute façon elle est toujours une colle et que tu regardes tes clés sont dans ta poche. Donc tu rentres dans la voiture, tu dis je t'aime chérie, je suis désolé quand je t'ai insulté, je le pensais pas, etc. Et sinon on rentre vite à la maison parce que je vais vomir dans la boîte à gants. Voilà ce qui va vous attendre le 24 au soir. C'est le Before sur Énergie. You've been dressing up the truth, I've been dressing up for you. Then you leave me in this room, this room. Pour a glass and bite my tongue, you say I'm the only one. If it's true, then why you running, you running? Ooh-oh, if you're really being honest, if you really want this. Ooh-oh, why you acting like a stranger, what's with your behavior? You spent the weekend getting even, ooh.

n'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Et sinon vie parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire. Une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel. Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul. Vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé. Oublie que t'as perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais. Et bienvenue tout le monde, vous êtes sur Énergie, c'est Cédric, j'espère que tout roule. On va écouter Post Malone là dans la playlist Énergie, c'est le tout nouveau, ça s'appelle Sunflower. Ça c'est cool là pour attaquer la journée. Calvin Harris aussi avec Sam Smith, petit point météo tout à l'heure, l'horoscope qui arrive aussi. Et avant de le retrouver en direct dès 6h tout à l'heure, celui qui peut passer à tout moment la playlist Suprême Énergie. Ouais, 5 hits à la suite, 50 000 euros à gagner. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie, le meilleur de l'émission là pour vous ce matin. Bon réveil. Manu dans le 6-9. On se demande si nous sommes des mauvaises personnes. Hier, ouais, on a fait un laser game, notre équipe contre l'équipe de Koé. Et à un moment, j'ai clairement pensé, vraiment en pleine partie, putain, les filles, elles nous ralentissent. Oh, Manu, t'exagères. Oh là là. Oh, non, mais c'est vrai, franchement, on a donné. On a donné, on a fait ce qu'on a pu. Vous avez donné des points à l'adversaire, ça c'est sûr. Ouais. La question, c'est est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? La réponse, clairement, pour les filles, oui, pour les garçons, non. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez pensé à un moment où vous dites, ah, est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? 0870 42 48, on a Elsa qui est avec nous. Bonjour Elsa. Bonjour Manu. Bonjour les wawas. Salut. Bienvenue sur Énergie, Elsa, on t'écoute. Alors, quand je vois que ma boîte aux lettres, elle est pleine à craquer, j'en prends quelques-uns et je les mets dans la boîte aux lettres de ma voisine. Est-ce que je suis une mauvaise personne? Rien ne prouve que les prospectus qui sont dans ta boîte aux lettres n'étaient pas dans celle de la voisine qui elle-même les a mises dans ta boîte aux lettres. Ouais. Ah ouais, c'est pas faux. Ouais. Et voilà, ouais. Du coup, mystère. Ouais, il faut faire gaffe qu'il n'y ait pas ton nom sur le prospectus. C'est des fois, il y a des catalogues qui arrivent mais avec ton nom en petit, en bas à droite. Ah, c'est des pubs. Là, attention, des pubs pour toi. Tu peux te faire avoir. Hein. Non, tu dis que bah, c'est le facteur, il lui met n'importe quoi, n'importe où. Ah, oui, hein. Tu accuses le facteur. Ouais, en fait, dans ce genre de truc, c'est que t'accuses tout le monde. Et tu noies le poisson. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est ça. Elsa, écoute, c'est pas joli. Joli, mais je crois que tout le monde l'a fait globalement. Ouais. Ah, bon, ça va. Ça va. Mais c'est pas joli, joli quand même. Merci de nous avoir appelé. Nico ? Moi, j'ai déjà prié le soir dans mon lit pour qu'il y ait une grève des transports le lendemain, en fait, pour que ma belle-mère, elle ne vienne pas. chez moi. Ah, ouais. Ça fait de moi une mauvaise personne. Franchement, je crois pas que ça fasse de toi une mauvaise personne. Ouais, je lui veux pas de mal, juste une petite grève. Quoi. Non, tant que tu lances pas toi-même une grève. là, c'est too much. Ouais. Mais là, honnêtement, non, ça va, j'ai une petite pensée. Tu peux craquer parfois, ta belle-mère. Voilà. Je vous remercie. Je t'en prie. On a Romain avec nous au téléphone. Bonjour Romain. Salut Manu, salut toute l'équipe. Salut. Bienvenue sur Énergie, Romain, on t'écoute. Donc moi, ce matin, j'ai mangé le chocolat du jour du calendrier de l'Avent de mon fils. Suis-je une mauvaise personne? Ouais. C'est le problème d'avoir un calendrier de l'Avent dans une maison où il y a plusieurs personnes. C'est le premier qui se lève qui l'a, moi, je trouve. Hein. Ouais. C'est une bonne règle. Hein. Non, Manu, c'est le sien quand même, au petit, tu vois. Non, ça fait pas toi une mauvaise personne. Ça fait de toi une personne gourmande. Mais moi, je remettrais un petit bout de carré de chocolat dedans. Ah, ni vu ni connu, tu vois. Oui, c'est sympa. C'est comme ça, il ouvre la porte et il y a juste un petit bout de chocolat. C'est mieux que rien. Avec le croque du père, c'est dessus. Ouais, bien sûr. Moi, je trouve qu'avec un petit bout de chocolat, ça passe. Après, s'il fait ça à tous les repas de son fils, là, ça devient compliqué. Il faut le nourrir quand même. Tu comprends Romain, tu t'arrêtes là, d'accord? Ouais, après le truc c'est que sans moi il en aurait pas du tout, il a 3 ans. Ah donc oui. Au final que je lui en mange un, c'est pas mal. Oui, mais c'est le concept des parents là. Romain. Sans toi effectivement il ne peut pas manger, ça s'appelle un bébé. Et là il y a un moment Romain, c'est toi qui l'as fait, il faut que tu t'en occupes. Je te remercie de nous avoir appelé. Belle journée à toi. Glandu. Moi, quand je reçois l'appel d'un démarcheur, tu sais, je lui dis de façon sympa, je lui dis est-ce que vous pouvez me rappeler dans 10 petites minutes, s'il vous plaît, merci. Et là, quand je raccroche, je bloque son numéro pour pas qu'il me rappelle est-ce que je suis une mauvaise personne ou pas. Alors, moi, je suis plus de l'école. Je dis à la personne que je ne veux pas qu'elle me rappelle. Oui, il rappelle toujours. Je l'ai déjà fait, ça. J'ai essayé. Hein. Alors, d'accord. Merci. Yes. Non, mais à un moment, si le mec il rappelle. Oui, c'est ça. Mais tu peux pas savoir s'il va te rappeler puisque toi tu l'as bloqué au premier. Ouais, c'est d'autres personnes. En fait, ils payent pour les autres qui me l'ont fait avant. Tu vois ce d'accord. Okay, c'est ça. Alors, ça fait vraiment de toi une saloperie. Michel, bonjour. Oui, salut Manu, salut Léon. Bienvenue sur Énergie Michel. Qu'est-ce que t'as fait qui peut te faire penser que t'as peut-être été une mauvaise personne? Alors moi, régulièrement, ma femme me demande de le vider de la vaisselle. Et il s'est pas mis en route, alors je relance et je lui fais croire qu'il s'est pas mis en route pour pas avoir à le vider, justement. Je n'ai rien compris, Michel. Ouais. Tu dis qu'elle te fait faire... Régulièrement, ma femme me demande de vider de la vaisselle. Oui. Et comme j'ai pas envie de le vider, je lui fais croire qu'il s'est pas mis en route et je relance pour... D'accord. Et est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Ah non, ça fait de toi un génie. Ah oui, ah si. En tout cas, ça fait pas de toi une personne écolo, quoi, parce que ça fait beaucoup de la vaisselle, c'est pas très bien. Ah, l'argument qui fait mal. Ça c'est moche, ça c'est la pire Paulette. Ça fait de toi une mauvaise personne. Merci de nous avoir appelé, Michel. Isabelle. Alors j'ai dit à mes enfants que j'avais plus de farine parce que j'avais pas du tout envie de faire des crêpes. Voilà. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Ça fait de toi. Oh non. Une mère indigne. Indigne d'avoir des enfants. Indigne de s'en occuper. Une mère indigne de rester dans le studio avec nous. Non, pas la trappe. Ah ouais? Pas la trappe, Manu. Ça fait de toi non. Une mère qui mérite de passer à la trappe. Je suis désolé, ça faisait d'elle une personne qui pouvait partir à la raison, trappe. T'as eu raison. Dès 6h, c'est Manu dans le 6-9 qui vous réveille sur Énergie. She was a bad, never

Consequence of cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. In the past, knowing we are the youth, caught into the beast, out of world without the peace, facing a bit of the truth, the truth. Rather be the hunter than the prey. And you're standing on the edge. inside me. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head. Won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear. I'm gonna make it. I'm gonna make it. Et tu penses que j'ai une autre à mes côtés. Toi tu t'es fait une raison sur un coup de tête. Et ça me tourne autour à croire que je suis coté. Mais je les envoie balader. Elles n'ont pas ton sourire, je leur ai dit sorry. Et depuis que je suis parti, ton cœur est balafré. Je passe mon temps à sortir, tu le vois dans mes stories. On n'a plus rien à se dire, dis-moi où j'ai fauté. Et je vois que tu fais ta vie, que dans la nuit tu brilles. Mais je te connais par cœur, tout ça c'est pas toi. Et je vois qu'on te courtise, dis-leur de rester tranquille. Non, on n'est plus ensemble, mais t'es quand même à moi. Mais toi tu crois que je suis ailleurs. Que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs, que t'es dans ses bras. On s'est manqué. Je sais que t'as envie de me rappeler. Je sais que t'as envie que je revienne. Qu'est-ce qu'on fait? On s'évite, on s'oublie. On se voit, on se confie, on se cache. Qu'est-ce qu'on fait? On s'appelle pour de bon, on se dit au revoir. On s'est manqué. Matin de bonheur, là vous êtes derrière la PI, c'est énergie, c'est cool. Moi c'est Cédric, enchanté jusqu'à 6h, jusqu'au retour de Manu dans 6-9 sur énergie. Je passe tous vos hits préférés. On va écouter Marshmello avec Bastille, il y aura Drake aussi, ça c'est pour Simon, il est à Nice ce matin, il est déjà au boulot. Ah, c'est bien, bon courage. Donc Marshmello, Drake dans la PI, c'est énergie. Et avant de le retrouver en direct dès 6h, voici le meilleur de Manu dans 6-9 sur énergie. Manu dans le 6-9. Manu est dans le 6-9 pour cette belle fin d'année. Joyeux Noël avec énergie. Il y a un sondage qui montre que une personne sur cinq, une famille sur cinq, pardon, ouais, a une tradition bizarre à Noël. Ok. Ouais. Alors, dans les exemples de l'étude, il y a déguiser le chat en chat de Noël. Oh, le pauvre. Le pauvre chat qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Ah ouais, c'est dur. Il y a aussi regarder des films d'horreur toute la journée de Noël. Oh, ouais. En général, c'est les films de Noël, quoi. Mais ah, là, oui, non. Et une famille, ils regardent des films d'horreur, ouais, carrément. Faut pas d'enfants, quoi. Faut mieux pas, ouais, forcément. Ouais, sûr, ouais. Et en tradition de Noël qui n'existe pas ailleurs dans les familles, il y a aussi une famille qui a dit nous, on campe dans le salon la nuit de Noël. Ah. C'est marrant. Ouais, ça, je l'ai déjà fait moi tout seul. Tu sais, je voulais attendre le Père Noël qui arrive, quoi. Donc je restais éveillé. Ah, et je oui, me suis endormi. Et évidemment, mais ça, c'est comme tous les enfants qui à un moment vont dans leur chambre, ils attendent que les parents aillent se coucher. Ouais. Ils revont pour aller voir le Père Noël, mais à chaque fois, ils sont dans ma banque. Ah, il est bon. Céline, bonjour. Salut. Bienvenue. Salut. Sur Énergie, on t'écoute. Avec ma famille, on se fait des bisous sandwich. Chaque personne reçoit en même temps un bisou de deux personnes sur chaque joue et on dit tous Joyeux Noël en même temps. Oh, oh, c'est mignon. Ah ouais. Ouais, c'est bien, sympa. Les bisous sandwich. Vous arrêtez aux bisous, hein, rassure-moi. Ouais. On s'arrête aux bisous et il faut pas que Tata Odette elle a un dentier, sinon il se barre. Oh là, ah, oui. Ah ouais. Ah, ok. Tu m'as fait rêver. Merci de nous avoir appelé, Céline. Quelle est la tradition chelou de votre famille à Noël, Jean-Du? Nous, pour créer une ambiance un peu festive, on fait un décompte à minuit avant d'ouvrir les cadeaux. Ah, c'est pour le 31, ça. Comme le nouvel an. Ouais, bah pareil. Mais pour Noël, on fait 10, 9, 8. Et après, on fait déballer. Et là, tout le monde déballe. Ouais. Ce qui est génial, c'est la famille de Glandu. Elle est... C'est pour ça que Glandu, il est toujours comme ça, heureux, content, sautillant. Parce que dans leur dîner de famille, ils sont toujours comme ça. Ouais, on est ça. Tous... Et à Noël, vous ne faites pas votre chanson, là? Ah, bah si. À la fin des chansons, les chevaliers. Parce que les dîners de famille de Glandu, son nom de famille, c'est chevalier. Et donc, ils ont une chanson de famille. Tu nous l'as fait. Je te la fasse. Allez, pour le plaisir. Attention. Les chevaliers. C'est génial. Ouais, mais tout seul, c'est un peu triste. Ouais. Mais à plusieurs, ça crée une vraie ambiance. Ah non, c'était pas triste. Non. Ouais. C'est bon, on a filmé, c'est bien. On va pouvoir te faire chanter maintenant. Magali, bonjour. Salut Manu, salut les wawa. Je pense que même si t'as une tradition familiale chelou, elle se gérera jamais aussi chelou que celle de Glandu. Non, je ne pense pas. Quelle est la tienne, Magali? Alors, donc nous, la nuit de Noël, avec mes parents, viennent dormir à la maison, alors qu'ils habitent à Saint-Jean-Maître. Ah, c'est drôle. Ah, ouais. Et ils restent dormir chez vous pour le côté un peu Noël en famille, quoi. C'est ça, exactement, pour qu'on puisse tous ouvrir ensemble nos cadeaux de Noël, surtout pour mes enfants. Oh, c'est mignon. Ah, c'est mignon. Cool, ouais. Du coup, le lendemain, il y a petit déj, on ouvre les cadeaux, on est tout en famille. C'est, oh, c'est trop bien. Ouais, et puis ils sont un peu radins, quoi. Ils ont un repas gratos le lendemain aussi. Ouais, c'est ça, faut le dire. Bien sûr. Merci de nous avoir appelé, Magali. Quelle est votre tradition de Noël un petit peu bizarre, Paulette? Dans ma famille, on dit le prénom des grands-parents morts avant de manger. Oh. Avec le mot pauvre avant, juste devant. Genre pauvre Henriette, pauvre Huguette. Voilà. En fait, on sait un hommage avant de manger. Mais vous dites que ça. Vous dites pas on pense à Henriette et à Huguette. Vous dites non, juste. Pauvre. Il y a quelqu'un qui a la liste, qui tient la liste à jour? Oh, ben on s'en rappelle. Et puis quand on s'en rappelle. Enfin, il y a les plus vieux qui se rappellent des plus vieux. Enfin, ceux qui sont partis. Toi, tu te rappelles de qui? Pauvre Henriette, pauvre Huguette, pauvre Tati Yéyette, pauvre Jacques. Pauvre Thomas. T'es pas sûr là, hein, tu commences Marcel, à. Marcel, pauvre Henri. Pauvre. Mais Paulette, excuse-moi, hein. Ouais. Déjà, on remarque que tous les prénoms chez vous, c'est Henriette. C'est vrai. Non, il y a eu un truc comme ça dans la famille. Oui, oui. Et puis. Non, mais je voulais dire un truc, j'ai oublié. C'est pas grave. Moi, je vois juste que ça va pas très fort dans la famille de Paulette. Ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Ça gérasse plus grand monde, apparemment. Il y a quand même une malédiction dans ta famille. Ouais, hein. Ouais. Mais il meurt beaucoup, quand même. Hein. Ouais. Oh, bah non, mais c'est que c'est sur des générations. Hein. Ah. C'est un hommage. Ah, t'imagines peut-être que dans 200 ans, il y aura ta pauvre future Paulette. petite fille, elle dira pauvre Paulette. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, Paulette? Bon, on sait pas. Pauvre Paulette. Ah, ben voilà. Julie, bonjour. Salut Manu. Bienvenue sur Énergie. Julie, toi aussi, tu as une tradition familiale à Noël un petit peu bizarre? Oui, écoute, on fait un petit concours, nous. On pose une clémentine sur la table et on doit l'éclater avec la tête. Et c'est la personne qui fait le plus de dégâts sur la clémentine qui ouvre ses cadeaux en premier. Et en fait, c'est ma mamie qui arbitre. Ah oui. Ah là, c'est chelou. Hein. Oui, c'est bizarre comme jeu quand même. Ah ouais, t'as un voisin, tu passes devant la fenêtre et tu vois ça de l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils font, les gars, quoi? Ils éclatent des clémentines avec la tête c'est sur la chelou. Table. Oui. Ouais, oui. Plus, vous gâchez un peu de nourriture quand même, hein, Julie. Oh, c'est une clémentine. Oui, mais imagine, tout le monde fait ça. Ouais. Non, mais je te rassure, personne ne fait ça. Merci de nous avoir appelé, Julie, on t'embrasse. Avec plaisir, bisous. Tout à l'heure, 6h, 9h30, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. I'm left there with

Et vous êtes sur Énergie, c'est Cédric. Salut, j'espère que ça va ce matin. Énergie. Ouais, ça roule. Météo. Avec du soleil sur la Méditerranée, un petit peu aussi à l'intérieur des terres, autour du sud-est. Partout ailleurs, ce sera des nuages avec souvent des averses, 9 à 12 degrés pour les températures. Cet après-midi, ça se couvre aussi un petit peu au sud. Au nord, ce sera tout simplement maussade. Les températures max, 7 degrés à Clermont, il y aura 11 à Limoges, Nancy, Strasbourg, Lille, Paris, Caen, Brest, Nantes, La Rochelle. 15 degrés à Bordeaux, Lyon et Nice, 17 degrés à Montpellier et Bastia. Un bon réveil avec nous sur Énergie. Menu dans 6-9 sur Énergie en direct dès 6h, promis. Et là, c'est Marnik et Smack dans la playlist Énergie. Énergie, c'est Cédric, salut tout le monde. J'espère que tout va bien ce matin, une belle journée. On se fait tout vos hits préférés dans la playlist Énergie. On l'entend en direct de Menu dans 6-9 sur Énergie. On va écouter Kenji, Menu dans 6-9 sur Énergie, qui va doubler votre salaire, 7h05, 8h05. Oui, c'est comme tous les matins. Inscrivez-vous à énergie.fr, ça pourrait être votre jour. C'est ce que je vous souhaite. Vos hits préférés et le meilleur de l'émission, ça c'est maintenant pour vous sur Énergie. Écoutez. Manu dans le 6-9. Vive Manu. Vive Manu. Et vive les wawa. Avec Énergie. Rentrons dans le petit train des questions. Première question, quelle combinaison vraiment bizarre d'aliments aimez-vous pourtant ? Isabelle. Le roquefort et le coca. Comment ça, un peu de roquefort, une petite gorgée de coca. Un peu de roquefort, une petite gorgée de coca. Et mais en fait, le goût de l'un appelle le goût de l'autre. Non, le goût de l'un défonce le goût de l'autre. Ah, oui, moi j'adore, Manu. Oh, ça me met les papilles en folie, rien que d'en parler, j'en ai envie là. Oh. Ah, j'adore. Oh, j'ose pas imaginer ce que t'aimes dans le sexe. Hein. Ah. trop bizarre. Jean-Marc, bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Énergie. Jean-Marc, quelle est la combinaison d'aliments un petit peu chelou que tu as ? Alors moi c'est frites soda. Je mélange toujours mes frites avec mon soda. Je peux pas manger de frites sans soda. Tu les trempes dedans ? Ouais, je les trempe dedans. Mais non. Mais c'est bizarre. On s'y habitue et après on peut plus s'en louper. Ah, ah si, si, je suis sûr que si. Hein. Oh, oh. Non, c'est lui l'homme que tu montes du doigt chez McDo, quoi. tu caches les yeux de ton enfant. Regarde pas, regarde pas. Ne regarde pas, il s'appelle Jean-Marc. Je sais, il est passé à la radio. Merci de nous avoir appelé, Jean-Marc. Glandu ? Ah, moi, c'est du camembert étalé sur de la brioche, le tout trempé dans le café. Ça, pour moi, c'est vraiment le secret d'un petit déj réussi, quoi. C'est pas bien. C'est pas bien. Tu fais vraiment ça ? Ah, je fais ça quasiment tous les matins. Non, non, vraiment, j'adore ça. Tu te laves les dents après ? Ah oui, bah oui. Oui, d'accord. Okay. Oui. Deuxième question du petit train des questions. Quelle chose a priori évidente avez-vous pourtant découvert tard ? Allez, on y va. Isabelle. J'ai découvert l'inverse de pomme Z. C'est pomme Y. Et alors ça, c'est hyper pratique. Depuis que je l'ai compris, je l'adore. Je m'en sers tout le temps. Ah c'est oui. Parce que, en fait, chaque semaine, Isabelle, elle découvre un raccourci clavier. Ouais. J'adore. Ouais. C'est que le CTRL-C, CTRL-V, c'était en début d'année. Après, il y a eu le CTRL-Z. Maintenant, le CTRL-Y, ça attends. Marche. Mais elle est heureuse comme nous, mais avec 10 ans de décalage, quoi. On a été heureux pour ça il y a 10 ans. Quoi. Mais c'est pas connu, hein, CTRL-Y. Hein. Ouais. C'est pas connu. C'est moins connu, on va dire. Ouais. Enfin, quand elle va savoir qu'on est passé à l'euro, elle va être comme une dingue. Lui dites pas pour Mitterrand. Quelle chose, a priori évidente, avez-vous pourtant découvert tard ? On a Cécile qui est là. Bienvenue, Cécile. Bonjour Manu, bonjour les Wanwan. Bienvenue sur Énergie, on t'écoute. Alors, moi j'ai appris à 37 ans que tous les œufs de poule ne faisaient pas forcément des poussins. Eh oui, absolument. Parce que, en fait, la poule, elle pond des œufs. Ouais. Elle a besoin de personne pour pondre un œuf parce que c'est un ovule en fait. Mmh. Elle pond un œuf. Et ça donne un poussin si avant elle a été fécondée par un coq. Eh ouais. Ah. Et voilà. Tu peux avoir des poules qui font des œufs sans coq. Est-ce qu'elle les couve les œufs qui vont rien donner ou non elle le sait. Alors je m'y connais un peu, j'ai étudié les poules. Ouais. Et en fait les poules ne couvent pas du tout tous les œufs. Elles ont d'accord. des périodes où elles vont se dire là je suis en couvage. J'y vais. Parce que comme nous par exemple on se dit le week-end on n'en branle pas une chez nous, on reste là comme ça. Ouais. Et ben c'est pareil. Ok. C'est intéressant. C'est incroyable. Okay. Et ben oui. Tu t'y connais hyper bien en poule. Ouais parce que j'ai pas beaucoup d'amis. Le petit train des questions. On continue avec la troisième question. Et merci de nous avoir appelé Cécile. Troisième question. Quel a été votre prof le plus marquant de toute votre scolarité? On y va, Glandu. Moi c'était Madame Bréant. C'était ma prof de latin de 5ème. Et elle parlait couramment latin. Et elle faisait des cours où elle ne parlait que latin. C'est-à-dire qu'elle voulait pas prononcer un seul mot de français, quoi. Et du coup, on comprenait rien. Ah bah oui. Et par exemple, je me rappellerai toujours ça, pour répondre présent à l'appel, fallait dire Atsum. Atsum, ça voulait dire présent. Et alors, c'était un des seuls mots dont je me souviens. Ou ça veut dire que t'es enrhumé. Ouais, c'est quoi, Atsum. Atsum. On lui avait fait la blague. Ah, pardon. À l'époque. Ok, moi, je fais des blagues d'enfants de quatrième. Anaïs est là avec nous. Bonjour, Anaïs. Oui, bonjour, Manu. Salut les wouah. Le petit train des questions. Quel a été votre prof le plus marquant de toute votre scolarité? On t'écoute. Alors moi, c'était ma prof de français, Madame Gaden, qui avait les dents du haut très en avant et qui postillonnait énormément. Un élève est venu un jour pour protester avec un kawaii. Il a pris 2 heures de colle. Oh wow. C'est dur. Oh non. C'est drôle. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est drôle, quoi. Ouais, alors franchement, tu tapes les 2 heures de colle parce que tu les mérites, ouais. Mais franchement, tu les assumes tes 2 heures de colle. Parce que en tout cas, on a bien rigolé. Oui. Non, mais c'est potage, quoi. Ouais. C'est drôle. J'imagine le proviseur. Ah, bravo. Ah ouais. On n'osait pas la faire. Franchement, les 2 heures de colle, je vais les faire avec vous. Merci de nous avoir appelé, Anaïs. Belle journée à toi. Le prof le plus marquant de toute votre scolarité, Paulette ? Monsieur Domingue, c'était mon prof de CE1 et il était amoureux de ma mère. Du coup, il nous avait prêté son camping-car un été. Quoi ? Wow. Ouais. Trop sympa, monsieur Domingue, je l'embrasse. J'espère qu'il va bien. C'est quoi ce prof ? Bah, dis donc, et avec ta mère, il y a eu un. Ah non, non, non, rien du tout. Sérieux ? Non, mais ils ont tenté. Enfin, je veux dire, ils ont été dîner au restaurant, tout ça, ça s'est passé. Ah oui, quand même ! Ah, il y a eu un. Ouais. Mais il a quand même prêté le camping-car. Il est très sympa, ce monsieur. Ah ouais, trop cool. Monsieur sympa, Domingue. Domingue. Bah on l'embrasse, hein, du coup. Ah ouais, très fort. Avec son camping-car. Ouais. Anecdote assez croustillante qui va être certainement reprise dans le zapping des infos. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Énergie. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna

Si, je crois que c'est ça. Moi, je savais pas non plus. Je crois qu'il y a un truc de ouf. Tu nous fais une petite leçon, mais en fait, tu sais pas non plus. J'ai pas fait de leçon, je posais une question. Mais vous avez cru que je savais alors que je savais pas. Oh, je sens une bonne émission. On est vendredi, les amis. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Nous sommes aujourd'hui vendredi. C'est le week-end. Ouais. 5h55, on démarre l'émission dans 5 minutes, comme chaque jour. C'est Manu dans le 6-9. Mais avant ça, c'est le club du 5-5-5. Oui. Aujourd'hui, un titre que vous n'avez pas entendu. Voilà, je vous le dis, vous ne l'avez pas entendu parce qu'en fait, il est limite pas sorti. Ah ouais? D'accord, ouais. Ça. Disons que j'ai assez le bras long. Ouais. Ah, j'ai le bras long et je peux parfois vous faire découvrir des titres avant qu'ils sortent. Okay. Wow. Vas-y. C'est quelqu'un de connu? Ah bah non, du coup, non. Non. J'ai des titres avant qu'ils sortent, mais de pas connu du tout. Ah d'accord. D'accord. Okay. Mais voilà, si ça devient un énorme hit, vous pourrez vraiment dire, vous pourrez sortir dans la rue et dire, la première fois que je l'ai entendu, c'était sur Énergie avec Manu. Ouais. Ah ouais. Voilà, vous n'avez pas de raison de sortir dans la rue en ce moment. Là, vous en avez une bonne. Okay. Vous dites, la première fois qu'on l'a entendu, c'était chez Manu, dans le club du 5-5-5. Hey. Ah ouais, pas mal. Mais c'est quelqu'un que tu connais, qui fait de la musique? Alors, je la connais pas du tout. D'accord. Elle s'appelle Izia Marie. Mm-hmm. Elle est française. D'accord. Ouais. Et ce titre-là va sortir et je sens qu'il y a, il peut y avoir un truc potentiel. Okay. Enfin, il vient de sortir vraiment. Voilà, il y a juste là quoi. De toute façon, à force d'essayer, ça va finir par marcher. À force d'essayer des nouveaux titres quand j'arrive comme ça. À force de dire ça peut me faire un hit. À un moment, il y en a bien un qui va tomber. Quoi. Petit coup de chance. Écoutez, elle s'appelle Izia Marie. Le titre, c'est Possédé. Il y a de l'anglais et du français. Ah. Et franchement, voilà, vous me direz après. Okay. Mais je pense qu'il y a un truc. Déjà là, on sent. Ouais. Là, on se sent envoûté. Là. Ah ouais. Alors, on se sent possédé. C'est le titre, du coup, le truc. Ouais. Je me suis ramassée, rendez-vous à la prochaine gare. Je me sens possédée, dépossédée. Qu'est-ce qui vient plus tard? Comment ça va se finir? Est-ce que je vais perdre ou réussir? Possédée, dépossédée. Et puis quand est-ce que je m'incarne? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma lucarne? Mais si, j'attends le messie, même si ça me lessive. Trop tard pour esquive, je veux sortir de moi-même. Système. Je me sers de décor, mon circuit a tort. Il m'a mis à terre, il m'a mis à mort. Possédé, dépossédé, laissez les trains passer. Je me suis ramassé, rendez-vous à la prochaine gare. Je me sens possédé, dépossédé. Qu'est-ce qui vient plus tard? Comment ça va se finir? Est-ce que je vais perdre ou réussir? Possédé, dépossédé. Et puis quand est-ce que je m'incarne? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma lucarne? Mais si, j'attends le messie, même si ça me lessive. Trop tard pour esquiver, je veux sortir de moi-même. Prochaine soirée collée, moteur à caler, navire à couler, trop tard pour pleurer, est-ce qu'il faut rire ou se repentir? Possédé, dépossédé, et qu'est-ce que j'en fais de tous nos méfaits? Agrafé par-dessus les beaux souvenirs, venir, je l'ai pas vu venir, le temps de me le dire, le temps de l'écrire, on est déjà à la prochaine soirée.